Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le premier round des Infinity Wars 2016. Après une présentation des équipes et des règles dans le round 0, il est temps de commencer à en découdre. Les 8 premiers personnages vont se battre ce soir dans le round 1. Je suis Mathieu et vous allez écouter le round 1 des Infinity Wars 2016. Comme a priori pour tous les rounds de cette édition 2016. Avec moi ce soir, Arnaud. Salut. On le rappelle, tenant du titre dans Infinity Wars 2015. Et non, je ne commence pas à influencer les autres en disant ça. Il est là également, Clément. Salut. Et d'ailleurs, il aura deux personnages ce soir. Particularité de l'équipe de Clément, c'est moi qui l'ai composé. Irish est avec nous aussi. Salut. Particularité de l'équipe d'Irish, une équipe de merde. beaucoup de Simpson. Je vous laisse baisser la garde. Voilà. Et enfin, le fan de Gotham numéro 1 en France, Léo, est avec nous aussi. Et fier, bonsoir. Particularité de l'équipe de Léo, est-ce qu'on peut en trouver une? Les binômes, ça fonctionne tout en binôme chez lui. Oui, est-ce que ouais. C'est ça, voilà. À savoir si c'est de bons binômes ou pas, ça on va vite le comprendre. Pour commencer ce round 1, on va rappeler rapidement 3 principes fondamentaux. On joue chacun à notre tour. Tout se joue sur des lancers de dés, sur des événements aléatoires et sur de la fisse de puterie. Chaque tour se déroule de la manière suivante. Avant de lancer les dés, vous choisissez si vous souhaitez attaquer ou soigner. Et si vous attaquez ou soignez, qui vous visez. Vous pouvez vous soigner vous-même, vous attaquez vous-même, ça vous en avez tout à fait le droit, ça vous regarde. Et vous pouvez attaquer ou soigner le personnage autre de votre choix. Ce qui peut être utile quand vous avez deux personnages dans le même round, comme ça va être le cas pour tout le monde deux ou trois fois cet été. Suite à votre attaque ou à votre soin, on regardera quel événement vous avez tiré, et puis cet événement impactera soit vous, soit quelqu'un d'autre, soit tout le monde. Des événements qui peuvent aller de la mort à la résurrection, en passant par le fist et le chichi. 8 personnages ce soir. Alors, seront en jeu pour l'équipe d'Arnaud, Adam Warlock et... Batwoman, la gagnante de l'année dernière. Et ouais. Pour l'équipe de Clément, Ambushbug et Asto. Pour l'équipe d'Irish, Apu, mon dieu. Et pour l'équipe de Léo, qui est le seul avec moi à n'avoir qu'un personnage ce soir, le 10e Docteur. Et dans mon équipe, Batman Beyond, Terry McGuinness. Voilà, chaque personnage s'est vu attribuer des points de vie. On a convenu d'un nombre de points de vie de départ en fonction à la fois de la puissance et de l'intelligence des personnages. Adam Warlock commence donc avec 14 points. Ce sera le personnage le plus puissant ce soir au départ, avec Batman Beyond qui a 14 points aussi. Juste derrière, on a Quake pour Irish qui a 13 points, Batwoman d'Arnaud. Léo aura 11 points pour son docteur, la Batco de Clément et son Ambushbug auront chacun 8 points. Et enfin, à la traîne, Apu avec 4 points. C'est vraiment surprenant. Je veux dire que c'est scandaleux que le docteur il n'ait que 11 points. Hein, Léo. Bah oui, il devrait en avoir 20. Allez, on va commencer. Le premier à jouer, c'est Arnaud avec Adam Warlock. Tous les personnages sont au niveau 1 pour commencer. Ils ne peuvent donc attaquer ou soigner qu'avec 6 points maximum. Chaque point tiré au dé pour l'attaque, c'est des points qui sont enlevés ou rajoutés directement au score de vie du personnage. Ok ? Ouais. Arnaud, Adam Warlock va arriver. Est-ce que tu choisis d'attaquer ou de soigner ? Je suis une pute, j'attaque. Et tu attaques qui ? toi, Batman. Batman Beyond. Ouais. Je te laisse lancer ton dé. Et tu attaques de 0, ça commence bien. Putain. Ça commence très très bien. Merde. Et l'événement que tu as tiré, c'est l'événement numéro 64. Alors on va aller voir vite ça. Ah, 9 Said, il ne se passe rien. Eh ben, écoute, ça valait le coup de jouer. Ouais. Merci d'être venu. Next, Ambushbug avec Clément. C'est le Clément. Tour 0 là. Clément, est-ce que tu attaques ou est-ce c'est que tu d'essai. Soignes quelle honte, je vais faire ma pute, je vais attaquer aussi. Et tu vas attaquer qui ? Apu. Apu, et eh bien lance ton dé. Et tu attaques de 1. Apu prend donc 1 point de vie et passe à 3. L'événement que tu as tiré est l'événement. Oh là là là là. Et l'événement numéro 12. Événement intitulé Saga 12. En référence à une case mythique de Saga dans la première page du numéro. La fameuse Bukake. Le Bukake Screen, on va dire, pour l'appeler comme ça. Le Bukake Screen. Et oui, tu te rappelles pas de ce Saga 12 qui avait été Saga numéro 12 qui avait été censuré parce que dans l'écran du Prince Robot 4, il y avait une scène de. Ah oui d'éjaculation faciale. Ah oui, c'est vrai. Ça commence bien ce. Ça commence bien. Donc, l'événement Saga 12, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Tu arroses tes adversaires qui gagnent donc tous un point. Oui. Allez, Apu, c'est à toi de jouer, tu as 4 points de vie. Est-ce mais que je tu peux attaquer personne, non? Bah, si, tu attaques qui tu veux. Ah, d'accord. J'ai pas compris les règles. Non, mais je pensais que tu pouvais attaquer que les gens qui étaient moins forts que toi. Moins fort, ouais, c'est ça. Oh, faut pas déconner quand même. Ah, d'accord. Bah, sinon, t'as déjà perdu d'avance. Chance, hein. Bah, je vais me soigner, tiens. Vas-y. Ok. Mais il a pas perdu de points. C'est pas grave, il a lancé 0. J'ai lancé 0. Tu t'es soigné de 0. Ça commence très bien. Non, c'est bien. Hein. Tu t'es soigné de 0. Même si on n'a pas perdu de points de vie, on peut se soigner, on peut toujours s'en rajouter quelques-uns. On peut s'en rajouter, d'accord. C'est pas précisé dans les règles au départ, donc on part du principe qu'on peut dépasser son score de base. Heureusement pour Apu. Et l'événement que tu as tiré, c'est l'événement numéro 3. Le prochain personnage passe son tour. Oh le putain! Le docteur passe son tour et c'est à Batman Beyond, c'est-à-dire à moi de jouer. Et je vais attaquer celui qui n'a rien à faire ici. Hop, pouf! Je lance le dé et j'inflige 3 points de dégâts à Apu. Oh la vache! Ouch! Il va repartir aussi vite qu'il est venu. C'est le pauvre, ouais. Quant à mon événement, il s'agit de l'événement 86. Michael Bay. Tout le monde mais perd, toujours... tout le monde perd 2 points, ce qui veut dire... Ah bah, Apu est mort. Apu est mort. Bon bah. Ouais, mais ne vous inquiétez pas, il a un bien. J'enlève 2 points à tout le monde. Donc c'est quand même un événement qui fait mal, hein, moins 2 pour tout le monde. Ah, ça me... Putain. Voilà. Et Apu est mort sur un événement lié au Batman Beyond. Le Batman Beyond passe donc niveau 2. Je vous rappelle que quand on passe un niveau, on reprend ses points de base et ils sont multipliés par 2. Donc t'as 28. Je me retrouve donc à 28 au lieu de 14, effectivement. Avec... Je propose qu'on s'unisse tous contre Mathieu parce que là c'est trop puissant. Et je lancerai donc à partir de maintenant avec le Batman Beyond un dé de niveau 2, c'est-à-dire je pourrai frapper jusqu'à 10 points. Sympa. Batwoman, putain, tu es la quoi, tenante ouais. du titre, c'est à toi. Elle va gagner. Attends, bah, j'attaque Batman Beyond, forcément. Alors lance ton dé. Moins 6. Quoi? Bravo, tu as attaqué le 6. Moins 6 pour le score maximum. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que tu peux relancer les dés, Arnaud, pour le dé 100, s'il te plaît? Parce que j'ai pas vu le chiffre que tu avais fait. Événement 41. Ouh là là, on a frôlé le chichi. 9 saves. Il ne se passe donc rien. Batco? Ouais, bah, je vais frapper. Frappe et tu frappes qui? Bah, Batman Beyond. Décidément. Et tu vas lancer tes dés alors. 4! Moins 4 donc pour Batman Beyond qui est en train de rejoindre le camp des mortels. Hein, 18 points. Et alors, l'événement numéro 63. Le prochain personnage passe son tour. Et il s'agit de Quake pour Irish. C'était vraiment dans la merde. Hein. Décidément, Irish, le premier tour de jeu est terminé. C'est à Adam Warlock de jouer. Chut. Apu, c'est à toi. Eh non, t'es mort. Oh, dixième docteur va jouer pour la première fois aujourd'hui. Voilà. Et sache que je t'aime bien, les docteurs. Tu attaques ou tu soignes? Alors, j'attaque. Mm-hmm. Qui? Allô, tu attaques qui? Ah, pardon, j'attaque Batman. D'accord, ça va aller le coup d'attendre pour ça. Je te laisse lancer ton dé. Zéro. Ah, ça y est, c'est bon. Et tu as tapé 1. Ça va aller le coup d'attendre, hein. Ah, décidément. Eh bien, 14 pour le Batman Beyond, qui a presque le même nombre de points qu'Adam Warlock maintenant. Quant à ton événement, il s'agit de l'événement numéro 32. Eh bien, tu perds un point. Visiblement, s'attaquer à Batman Beyond, ça... Hein? Allez, c'est à Batman Beyond faut de jouer. Faut quand même continuer. Et Batman Beyond, bah, il va attaquer, il va essayer de se venger un petit peu, hein. Et puis, quel meilleur moyen de le faire que d'attaquer Ambush Bug et pourquoi pas passer. Et pourquoi pas passer directement au niveau 3. Oh, et je fais 6, bah, ça tombe bien du coup. Ce qui élimine un bush bug. Au revoir, je passe au niveau 3, bravo. 14 x 3 les amis. Voilà. Enfoiré. Putain. Je passe donc à 42 points de vie. Et je pense que maintenant vous allez comprendre qu'il faut peut-être mieux être bien avec moi plutôt que mal. Si vous voulez pouvoir passer des niveaux et continuer le jeu. Ah, il y a quand même mon événement qui est là. Eh oui, mon événement est le numéro 44. Letter 44, le président Blade vous d'accord un deuxième lancé pour la non genre il voit tous les calculs et forcément il voit toujours les beaux trucs. Le problème, c'est que je ne peux pas attaquer deux fois parce qu'il est mort. Donc c'est un événement pour rien. C'est parti pour Batwoman. Il est en gris, donc il est mort. Donc, qui est-ce que tu attaques? Vu ta façon, j'aime pas ta façon de me parler, je vais attaquer Batman Beyond. D'accord. Bon, bah, tu sais qui j'attaque au prochain tour. sachant que maintenant, je peux frapper jusqu'à 15, c'était une bonne idée. Batman Beyond, bah, vas-y, lance ton dé. C'est bon. Ça y est, oh, belle attaque, 5. Ah bah, tiens, pas pour... Il reste toujours à 37, hein. Pardon, tu disais? Non. Ok, je préfère. Événement numéro 76, je te laisse aller voir. 76, t'as dit ? À pouvoir ressusciter. Je n'y crois pas, non. Qu'est-ce que c'est, les gens, le 76 ? Un point de moins. Ah, bah tiens, c'est bien. Un point de moins. Ça m'a tué, il prend son pied, là. Adam Warlock, c'est à toi. Moi, je vais attaquer la Batco. Ouais, ça me semble être un choix intelligent, effectivement. Bien qu'il y en ait pour une fois aujourd'hui. Eh bah tiens, moins 3 pour la Batco. Oh. Qui passe à 5. Ah non, à 3. Qui passe à 3 points de vie. Donc là, n'importe qui a une chance sur 2 de la tuer maintenant. Donc la Batco, 3 points de vie. Quant à ton événement, il s'agit du numéro 79. Qu'est-ce que c'est ? Oh putain. 9 Said. Il ne sait pas. Dixième docteur. Puisque c'est le nouveau bouc émissaire du jour, je vais attaquer Quake aussi. Vas-y, une chance sur 2 de l'éliminer, passer niveau 2, ce qui est pas mal pour toi. Attention, suspense. Docteur No More, tu m'as tapé et tu as frappé de 3 points. Bravo. Voilà. Au revoir, non. Quake. Troisième personnage à périr ce soir et le docteur passe au niveau 2. Donc du coup, j'ai plus rien à faire là, c'est ça ? J'arrive à 22 points de vie. Tu peux revenir, il y a des événements qui peuvent te faire revenir. Ah, d'accord. À toi, Batwoman. Bah j'attaque la vache, c'est très, c'est très con stratégiquement ce que j'ai fait. Mais oui ! Oh, je suis désolé, je crois que c'était toi qui jouais après moi. Mais non ! Bah non ! Alors vas-y, attaque la Batco. On sait jamais. Ah, 2. Ah, end of the Batco. On perd donc la Batco. Ah, je suis deg. Vous êtes vraiment des enculés. Je suis deg parce que je voulais pas ça. J'avais lu Batco au lieu de Batwoman dans la liste et du coup, voilà. J'assume pleinement cet échec. Du coup, la Batwoman, et ça m'emmerde encore plus, passe à au niveau 2 et du coup, elle va passer à 24 points de vie. Pourquoi 24 20... Ah oui, c'est Batwoman. 12 x 2, 24. Voilà. Je croyais que c'était la dame. Docteur, c'est à toi. Il y a un moment où il faut que tu sois un peu malin. Tu vois ce que t'as à faire, là. Voilà. Donc, bon, je crois que là, c'est évident. Je vais attaquer Batco. Non, je déconne. Je vais attaquer Adam Warlock. Alors, vas-y. Tu lances un dé numéro 2, qui sera un dé de niveau 2. Une fois que t'auras fini de taper le dictionnaire. Ah, ça y est. Excuse-moi. Moins 4. Allez, bim! Eh bien, Adam Warlock est parti. Non, c'est sûr qu'il allait mourir, mon pauvre. Le docteur passe niveau 3. Ce qui veut dire qu'il va passer à 33 points de vie. Alors, on n'est plus que 3. 30 points pour le docteur, 19 points pour Batman Beyond et 31 points pour Batwoman. C'est à Batman Beyond de jouer. Batman on va faire un petit Batman. Événement 1 là, ça serait drôle. Batman Beyond a du panache, donc Batman Beyond ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il va attaquer. Et il va attaquer un personnage dangereux, puisque de niveau 3, le docteur. C'est intéressant, 10 points. Oh putain! Oh non, foiré. Le docteur passe donc à 20. Je pense Arnaud qu'il a le moyen de l'achever là. Batwoman, c'est à toi. La petite Batou, elle attaque Batman. Bah écoute, elle est bien mignonne. Et c'est une petite catin, hein, pas énorme. Pas énorme, parce que moins 6. Mais quand même. Je... Quand même. Mais quand même. Michael Bay, niveau 61. Tout le monde perd un point. 2 points. Alors, ce qui fait donc moins 3, puisque niveau 3 pour Neo, moins 3 pour Batman Beyond, parce que niveau 3, et moins 2 pour Batwoman, parce que niveau 2. Ça commence à sentir pas bon pour Batman. Docteur, c'est à toi. Bah là, ça va être difficile quand même de se retenir. Je vais quand même attaquer Batman Beyond. Mais vas-y, je t'en prie. En plus, c'est un dé de niveau 3 qui peut aller jusqu'à 15, donc là, tu peux faire beaucoup de mal. Ouais. Oh putain, 0! Oh, oh non! Il sert à rien ce garçon. J'y crois pas. Batman Beyond va se soigner, hein, forcément. 9. Oh. Ça va. Oh. Sur 15, ça va. Ça aurait pu être pire. Rien ne lui dit qu'il n'invente pas ses filtres. Mais oui! Ah! Le mec qui est bien sorti et qui est vraiment des merdes. Putain, là, tous, hein, quand même. Événement 35, tiens. Alors, 9 saves, il ne se passe rien. Tiens, ça vous apprendra. Batwoman, c'est à toi. Finissons. Oui, bah, j'attaque Batman. Avec un personnage, donc niveau 2, vas-y. Comme ça, je suis direct sur le bon dé. 3. Bon, là, je pense que si vous êtes les deux contre moi, ça va être dur. 6ème docteur, c'est à toi. Bah écoute, juste de mon niveau 3, hein, j'attaque Batman Beyond. Vas-y. 6. Ça commence à être dur là. Ça commence à être dur. Quant à ton événement, c'est le 51. Alors, il est où celui-là ? 51. Ah, zone 51. Enlevé par des aliens, passe ton prochain tour. Mais c'est pas possible, je me débarrasse des aliens d'habitude. Bah, écoute, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est à moi là. Non, c'est à Batman Beyond là. Après le docteur, s'il te plaît, j'ai déjà du mal à respirer, donc laisse-moi un peu continuer. Batman, voilà, là je vais arrêter de me soigner, je vais tenter le tout pour le tout, sachant qu'il va passer son tour. Ça veut dire qu'on peut le frapper 4 fois, donc il y a moyen de se débarrasser du docteur avant qu'il ait le temps de rejouer. Et c'est là que tu vas voir si Arnaud est un fils de pute. Bah, écoute, il fait ce qu'il veut. Moi, je joue stratégie. Le docteur, c'est un niveau 3. Il va passer son tour. On a l'occasion de taper 3 fois dessus. Bah, après, si c'est lui ou si c'est Batwoman qui tue, bah, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'il parte. 8. Donc, 22 pour le docteur. Quant à l'événement, il s'agit du 58. Oh putain, 9, ça, il ne se passe rien. C'est pas drôle. Batwoman, à toi. Ah, je te bute. Ah, bah écoute, moins 3. Quant à ton événement, il s'agit de l'événement 40. Oui! Putain! Ah, ça c'est moche! Les 3 prochains joueurs t'attaquent. Ces 3 prochains joueurs, ça veut dire Batwoman comprise. Il va sortir. C'est du Alors... sexisme, la pauvre! C'est Attends, j'ai une question. Oui. Non. Oui. J'ai une question. Est-ce que ça compte puisque moi je passe mon tour? Est-ce que le docteur compte? Bah oui. Non. Bah, si. Le docteur, c'est pas le prochain. Il passe son tour. Oui, mais du coup, il. Le prochain, du coup, c'est Batman Beyond. Bah si, le prochain. Donc Batman Beyond va faire chichi. Va attaquer. Puis Batwoman va faire chichi. Et puis le docteur va faire chichi. Bah non, puisque le 10ème docteur, c'est le prochain à jouer. Donc s'il passe son tour, ça compte pas pour le chichi. Le prochain à jouer, ce sera pas. Ça n'en fait que 2. Ce sera pas le docteur. Il y a jurisprudence là. Il y a jurisprudence possible. Bah, les ouais, je dis ça comme ça. Ouais, mais les 3 prochains joueurs, vu qu'on a sauté. Bah, les 3 prochains joueurs, en principe, c'est le 10ème docteur, bah, Batman et Batwoman. Mais comme le 10ème docteur ne joue pas, bah, pour moi, son comme chichi il joue pas, supprime. Pour moi, comme il joue pas, il compte pas comme prochain. Bah, ouais, bah pour moi, son chichi est supprimé. Bah, non. Bah, non. Bah, si. Non. Bah, T1 contre 3. Hein. Et tais-toi, Pou. T'as perdu, t'es mort. T'as pas le droit de parler. T1 contre 3. C'est logique. Écoute, on va laisser Léo choisir en son âme et conscience. Est-ce que oui ou non tu estimes que tu comptes dans le roulement étant donné que tu passes ton tour ? Je te laisse juste noter le comportement de Batwoman. Bon, bah. Je. Ah, je juge si. Le fait que si tu passes ton tour, pas. Ça compte pour un tour de chichi et que du coup, bah, on perd un chichi en fait. Oui. Bah, je dirais que oui, moi perso, parce d'accord. Que ça compte un peu 3 persos, 3 tours, donc ouais, théoriquement, c'est pas comme un tour de chichi. Enfin, que sans, je peux pas attaquer. D'accord, pas de problème. Donc, c'est au tour du docteur de jouer, il ne peut pas attaquer, il reste 2 chichi à faire. Batman Beyond va s'en charger, c'est un personnage de niveau 3 qui frappe avec une puissance de 11. Retour de karma. Ta gueule, t'es mort avec ta vache. À cause de qui ? Ah non, faut quand même faire l'événement. On va quand même faire les choses dans l'ordre. L'événement, c'est le numéro 81. C'est trop loin dans la liste. 2 points de plus. Je crois qu'on a déjà eu le 81. Ensuite, c'est à Batwoman de jouer. Batwoman, tu lances ton dé. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de te blesser. Non, pitié. Avec un dé de niveau 2, 8. Ton événement à toi est l'événement numéro 85. Back to the Future, ton action est annulée. Refais-la. Oh putain, non! Donc tu relances ton dé pour savoir si oui ou non tu vas t'infliger plus que 8 points. 10. Ah combien? Moins 10. Moins 10, du coup. Donc Batwoman est maintenant à 12 points. Docteur, c'est à toi de jouer, tu récupères ton droit. Sachant que Batwoman t'a fait sauter ton tour et t'a empêché de participer à ce magnifique chichi, moi la cible est toute désignée. Non, attaque lui, c'est le plus fort, niveau 3. Puis elle a déjà gagné, on va pas la laisser aller en finale quand même. Oui, elle a déjà assez souffert avec le chichi. Tu devras attaquer Batwoman, comme ça me laisserait. Batman, il est au niveau 3, c'est ton plus grand ennemi. Ouais, mais tu passes niveau 4 si tu gagnes. Et il a 10 points, donc t'as plus de chances de le buter et de passer niveau 4. Ouais, mais hein. Non, mais oublie pas, Carlos, c'est un petit connard. Oh putain. Et Mathieu, allez, il peut triper. Léo, il faut que tu te décides. Ou alors tu peux soigner quelqu'un. Hein. Oui, certes. Ce qui serait incompréhensible, mais vas-y. Je pense que Batwoman a assez souffert. Autant donc, l'abréger ses souffrances, on est d'accord. Non, je vais attaquer Batman Beyond. D'accord, vas-y. Donc un dé niveau 3. 4. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Comment ça va être mauvais. Ton événement... Oh putain, en plus, ton événement c'est le 6. Michael Bay, tout le monde... Tout le monde perd 2 points. Alors, ce qui veut dire moins 6 pour toi, moins 6 pour Batman Beyond qui périt. Oh. Et moins 4 pour Batwoman qui se retrouve à 8 points. Ah, qu'elle avait moins 4 qu'elle était morte. Ce qui se retrouve à 8 points. Léo, sur son action, a tué le Batman Beyond. Il prend donc un niveau et se retrouve à 44 points. Oh putain. Face à Batwoman qui n'en a plus que 8, eh bien écoutez, j'ai envie de dire, justice a été faite. C'est ça. Batwoman, c'est à toi. Les personnages, par la suite, ils gardent leurs points ou repartent à 0? Bah, elle repart à 0. Genre Batwoman, elle repart à 12 ou elle repart à 8 ou je sais pas combien à la fin. Comment ça, à la fin de quoi? Je sais pas. Admettons, ça va être plus simple avec le docteur. Imaginons que le docteur gagne. Oui. Au prochain combat, il a 11 points ou 44? À la finale, il sera niveau 4, donc 44. Oh putain. Donc, ok. Enfin, il sera même niveau 5 d'ailleurs. Puisqu'il va tout. Ouais. Batwoman, qu'est-ce que tu fais? Je vais me soigner. Non. Non, ça vaut pas grand chose. Si, je vais me soigner. Alors, vas-y. 9. Événement 55. Un point de moins. Docteur, c'est à toi. Et on fait... Bon, bah, je vais attaquer Batwoman. Ah bon? C'est fou, surprise, hein. Vous noterez quand même que même quand il reste un personnage, il a quand même pris le temps pour décider. Hein. C'est clair, c'est incroyable. Et puis il prend sur. Oh putain, et c'est un one shot puisqu'il fait 19. Oh putain. Oh la mort. Ah non, je me trompe de personnage. Ouais. Moins 19 pour Batwoman qui périt et qui donc ne sera pas au final cette année. C'est le 10e docteur qui triomphe et qui se qualifie pour la finale avec un niveau 5. Il commencera donc la finale avec 55 points de vie. Il n'y a pas d'événement quand. Bah, qu'est-ce que tu veux faire comme événement? Bah, je sais pas, ça aurait été drôle. Hein, bon, on va regarder au pif, au pire, son événement c'était le 53. Donc on va regarder. Les personnages Marvel gagnent 2 points, donc voilà, il n'y a pas de morts qui reviennent à la vie, tout ça, il n'y a pas de problème de jurisprudence. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est bizarre, c'est celui qui a été le moins stratège qui gagne. C'est incroyable. comme quoi, hein, ouais, rien comprendre. Réussir, hein. Mais n'oublions pas que Arnaud a été une petite pute. Voilà, n'oublions pas. Batman est mort. Gardons ça en tête. Effectivement, Clément, je suis bien d'accord. Gardons ça en tête pour le round 2. On se retrouve. J'ai quand même buté Batman. Et Mathieu, alors, ça n'a pas été une pute. Il a buté tout le monde. Bah ouais, mais finalement, je suis mort. Mais il a essayé de sauver la Batco. Voilà, je suis le seul à avoir soigné un personnage autre que le mien. C'est pour après se faire frapper dans le dos. Enfin bref. Allez, on se retrouve pour le round 2 avec 8 nouveaux personnages et on va voir si Léo va continuer son escalade vers la finale. Salut. Salut.